Des fois, je cherche le thème, le couplet, le refrain, le pont. Sans parler de tous les multi-instrumentistes qui assurent Ninbot, ceux qui jouent tout seuls. En fait, ils n'ont pas besoin de toi. Ils sont des pianos qui font tout, basse, piano, synthé. Alors certes, ils sont très bons. Ils sont très très bons dans leur côté piano-bar. Si t'arrives, t'es une merde. Sur ce, j'ai mis mon petit coup de gueule, ça m'a fait plaisir. Sur ce, je vous écouterai. Parce que j'ai quand même travaillé dur aujourd'hui. Je ne gagne pas ma vie avec la musique, il y a moins de marrant. Je trie.